Comment le monde peut-il être accueillant? L'un des signes les plus graves des crises les plus graves de notre époque consiste à coup sûr dans ce qu'on appelle la crise des réfugiés, la crise aussi des migrants, la crise de ces millions d'êtres humains qui sont chassés de chez eux et qui n'ont plus d'espace sur la Terre pour non seulement s'y réfugier, mais y vivre et pour y habiter. La grande question à cet égard n'est peut-être pas d'ailleurs comment nous pouvons, nous ici, où nous avons encore un chez nous, accueillir tout la misère du monde, mais comment rendre le monde lui-même accueillant partout dans le monde, que chacun puisse se sentir accueilli quelque part. Cette question de l'accueil possible partout est au cœur de la situation contemporaine et il faut d'abord comprendre ce que signifie l'expérience de sa dépossession, l'expérience des exilés, et on va l'entendre dans la chanson qui suit. You drift away, you're carried by a stream. Refugee, a wanderer you roam. You lose your way, so it will come to seem. No place in particular is home. L'expérience des réfugiés, ce sont les Klezmatics qui nous la décrivent ici dans cette merveilleuse chanson Undoing World, où ils nous décrivent l'expérience de ces êtres portés par les flots de l'exil, drifting away, à la dérive, et qui, dans le monde, ne peuvent plus avoir un seul lieu qu'ils appellent un home, un chez eux. No place in particular is home. C'est l'expérience du déracinement, comme dirait Simone Veil, le plus radical, et dont il ne faut pas croire que si des millions d'êtres humains en sont affectés, d'autres millions puissent s'en protéger. Si tant d'humains en sont en effet frappés, alors c'est le monde entier, comme elle disait d'ailleurs en 1943 dans Le Déracinement, c'est le monde entier qui est menacé de cette expérience radicale. Encore une fois, on pose mal la question. Quand on reprend la célèbre et fameuse, mais aussi un peu injuste phrase de Michel Rocard, « Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. » Et il le disait aussi pour qu'on le partage, pour qu'on partage cet accueil de tous ceux qui sont déplacés dans le monde. Mais aujourd'hui, la démarche mondiale doit être différente, justement parce que la crise est plusieurs fois mondiale, aussi avec la crise du climat. Aujourd'hui, la vraie question, ce n'est plus comment accueillir ici ou là la misère des autres mondes, mais comment rendre le monde entier accueillant et habitable pour que chacune et chacun puisse minimalement construire un chez-soi, un home minimal, pour qu'il n'y ait plus cette violence de la circulation et de la déshabitation du monde, pour que plus personne ne puisse dire « No place in particular is home ».